Le premier ministre coréen Park Bong-joo a visité le complexe d'automobiles Seungri. Il a fait le tour de divers endroits pour se renseigner en détail de l'état de production. La réunion consultative tenue sur le lieu a porté sur des mesures à prendre pour améliorer et perfectionner davantage les processus de production et fabriquer des automobiles modernes et diversifiées en faveur du développement de l'économie nationale. Par ailleurs, le Premier ministre a inspecté les chantiers de construction du projet pour la création de l'industrie chimique du carbone 1 pour discuter des problèmes posés dans les travaux.